faible oyo na zwa kaye tolingana ya troye botu na tendenge tolingana na ye ye ye biba kwe faible oyo na zwa kanga epena ye biba kwe faible oyo na zwa kaye tolingana ya troye La fleur du lac est en Alika. Moi, la moisi, aningisi, moka, et maman. Et bon, à qui n'a dit qu'à yon a chapa au cola. La connie, on a souci, maman, mais minamo. Ce qui a si liki, ma mouida, qui n'y est fait la terre. Et fait la terre, maman. Maïda, mon lili n'a qui n'y m'a serra. Malamakona popa po apeli saba mwina ya Kinshasa la be bele bele bele kito kwelu kabato e mama kito kwe pima bato e kweli faida waso ne bandi makolo e butinzo to e mwana bijoutier ne kwa walo na diama otete mwe Ya ya bote ante mete, que mete mama, nani mi wale. Hey, hey, hey, Mais Aziza, le Dola, mais sa maman.